White à la prod. Sky au mic. Beatmaker et co. L'histoire continue, j'ai misé gros sur un espoir continu. La vie à portée de main, la main à portée de flingue. Le flingue à portée de frime, la frime à supporter, c'est dingue. L'histoire continue, j'ai misé gros sur un espoir continu. La vie à portée de main, la main à portée de flingue. Le flingue à portée de frime, la frime à supporter, c'est dingue. De la vie se barre, à toute allure, un gros poil vislard. Le temps nous défigure, nous habitue. Pendant que les autres cons nous configurent, configurant en avant des métropoles, des métropasses comme les années. Bienvenue, genoux, dans l'humanité d'années. Tous condamnés à casser sa pipe. Et pour en remettre une couche, on s'applique à gâcher notre vie. Très peu savants, malgré les apparences, on a le cerveau en carence. Raison en quarantaine, réseau de la haine. Incompréhension chronique, chroniqueur du samedi soir. Tu sais très bien où je t'envoie te faire voir. Protocole éducatif erroné. Fais toi-même rogné à l'enrichissement, réglé au millimètre. Pour distinguer des esclaves, les maîtres. L'histoire continue, l'histoire continue. J'ai misé gros sur un espoir continu. La vie à portée de main, la main à portée de flingue. Le flingue à portée de frime, la frime à supporter, c'est dingue. L'histoire continue, j'ai misé gros sur un espoir continu. La vie à portée de main, la main à portée de flingue. Le flingue à portée de frime, la frime à supporter, c'est dingue. Yao, yao, hein. L'histoire continue, ouais, mais pour combien de temps? T'es suicidaire ou quoi? Non, juste réaliste. Ouais, mais y'a des fois. Non, c'est juste que j'analyse. Fais donc un peu comme moi, ouvrez mirette. Et tant pis si tu regrettes, j'emmerde votre standardisation, même si le dire est étendard. Faut assumer quand tu crèches sous l'étendard. C'est loin d'être fini, ma main, y'a tant de choses à dire. Des plaies de cœur à guérir, du savoir à acquérir. L'espoir fait vivre, utopie peut-être. Mais le malheur te crève, ça, c'est net. Y'a pas que les flics qui merdent, mec. Certaines situations ou même la merde flip dure. De garder la même frite. L'histoire continue, j'ai misé gros sur un espoir continu. La vie à portée de main, la main à portée de flingue. Le flingue à portée de frime, la frime à supporter, c'est dingue. L'histoire continue, j'ai misé gros sur un espoir continu. La vie à portée de main, la main à portée de flingue. Le flingue à portée de frime, la frime à supporter, c'est dingue. Y'a des fois, je te jure, plus cœur à la fête, mais plutôt la tête au truc. J'observe, tente de me préserver de tous ces mauvais présages à porter ici. Mes portées lyricales sont bien souvent peu jouissives. C'est qu'à trop prendre de conseils, claque les gencives. Bref, je voudrais juste que les gens savent que l'heure est à l'offensive. L'histoire continue là où mon couplet s'arrête. Et si tu m'entends plus, t'inquiète, à la prochaine, je me répète. L'histoire continue, j'ai misé gros sur un espoir continu. La vie à portée de main, la main à portée de flingue. Le flingue à portée de frime, la frime à supporter, c'est dingue. L'histoire continue, j'ai misé gros sur un espoir continu. La vie à portée de main, la main à portée de flingue. Le flingue à portée de frime, la frime à supporter, c'est dingue.